Lucky Star, entro dentro do Lucky Star. Oh, Lucky Star, é, eu sou Lucky Star. Fucking Chris, carnaval on the star. Entro dentro do Lucky Star. Oh, Lucky Star, é, eu sou Lucky Star. Fucking Chris, carnaval on the star. Ai, ai, ai, ai, vem é for Max. Ai, ai, ai, ai, vem é for Max. Don't you know, pump it up. Aurélie, pin it up. Je récupère ma quiche terop pendant que tu pump it up. Ya, ya, dans son boule c'est la noyade. J'fais des lulu comme George Weah. Transfert quiche ta moulaga. Milano, Copenhague, Almeria. J'suis au travail. À Dubaï, j'suis au travail. J'suis au travail. Et même sur la lune, j'fais la quiche ta. Et donnez-nous la quiche ta. Oh, la quiche ta. Yeah, je veux la guichta. Soul King, Chris, Carnaval, on est stop. Aïe, aïe, aïe, aïe. Venez pour Max. Aïe, aïe, aïe, aïe. Venez pour Max. Guichta, Gucci, Sima, hashtag, j'ai timbalé, Michto. Inzaghi, Pipo, roule un ouange de beut à popé. Flagra, ma maille à maille. Les types font de la maille. Les deux puces font la maille. À Paname, au Québec, en Hollande, la pute est collante, la veuve est collante. Et donnez-nous la quichta. Oh, la quichta. Eh, je veux la quichta. Soul King, Chris, Carnaval, on est top. Aïe, aïe, aïe, aïe. Venez pour Max. Aïe, aïe, aïe, aïe. Venez pour Max. Elle le sait, ce soir tout ce qu'on a ramassé. Elle le sait, demain on va recommencer. Elle le sait. La quichta, et donnez-nous la quichta. Oh, la quichta, et je veux la quichta. Soul King, Chris, Carnaval, on est là.